Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. L'affaire Pastor n'est pas un fait divers comme un autre. Depuis 3 semaines, s'est ouvert à Aix-en-Provence le procès de 10 personnes soupçonnées d'être responsables du meurtre d'une milliardaire monégasque, Hélène Pastor. Alors, comme vous le savez, il existe des crimes parfaits et il existe aussi des crimes parfaitement imparfaits. C'est le cas de ce fait divers et c'est la raison pour laquelle c'est notre super fail de la semaine. Bonjour. Pourquoi sa mère a-t-elle été assassinée? C'est une question qui obsède Gildo Pastor. Le 6 mai 2014, Hélène Pastor, richissime héritière monégasque, sort de l'hôpital niçois où se trouve son fils Gildo, victime d'un accident vasculaire cérébral. En sortant de l'hôpital, elle et son chauffeur voient s'avancer vers eux un homme portant une casquette qui leur tire dessus à plusieurs reprises. Le chauffeur décède le 10 mai, Hélène Pastor 11 jours plus tard. L'enquête permet d'identifier le tireur et le guetteur. Ils ne sont pas immédiatement interpellés mais placés sur écoute. Les policiers découvrent ainsi que le double assassinat aurait été commandité par le compagnon de Sylvia, la fille d'Hélène Pastor, Wojciech Janowski. La nouvelle est terrible pour Gildo. Wojciech a monté son vrai visage. J'aurais cru que c'était un homme gentil. Hein. À pas du gain, peur d'être rejeté par sa belle famille, le mobile reste obscur. Mais Janowski réinvestissait l'argent de la famille Pastor dans des placements douteux. En fait, ma mère avait vu qu'il... Il mentait et avait averti ma sœur à de nombreuses reprises. Et ma sœur lui disait, c'est pas tes affaires, voilà. Super fail. Pascal Robert Diard, vous êtes journaliste au Monde. Vous êtes en ligne depuis Aix-en-Provence où vous suivez ce procès. Pastor, racontez-nous les épisodes précédents. Que sait-on de manière certaine dans cette affaire? Bonjour. Donc, ce que l'on sait de manière certaine, déjà, c'est qu'il y a 2 morts. Il y a Hélène Pastor et son majordome, Mohamed Darwish. Ça, c'est, voilà. Donc, et que c'est un assassinat. Uh-huh. C'est-à-dire que c'est même pas un meurtre, c'est un assassinat. C'est-à-dire que ce meurtre a été prémédité. Uh-huh. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'on a des images de vidéosurveillance, on a un certain nombre de choses qui ont identifié, plus de l'ADN, qui ont a priori identifié le guetteur ayant lui-même d'ailleurs reconnu son rôle de guetteur, et le tueur, mais le tueur le nie à l'audience. Et oui, puisque tous ces gens ne sont pas encore condamnés, s'ils le sont un jour. Le verdict est prévu pour mercredi 17 ou 18 octobre, je ne connais pas la date exacte. Ce que l'on sait aussi, c'est que toute la préparation de ce double assassinat a été donc faite avec un certain nombre de complices, dont certains le reconnaissent. Celui qu'il reconnaît principalement, c'est le coach sportif, l'ancien coach sportif du couple, donc de la fille d'Hélène Pastor et du principal accusé, Wojciech Janowski, qui s'appelle Pascal Doriac. Il a reconnu avoir distribué l'argent, avoir sollicité un de ses beaux-frères pour qu'il l'aide à trouver les exécutants du crime. Voilà. Donc le beau-frère lui-même, qui a lui aussi joué un rôle d'intermédiaire, reconnaît aussi son rôle, tout en disant qu'il ne savait pas que c'était pour un double assassinat. Bon, là, après, on entre dans des stratégies de défense. Voilà, chacun se défend comme il peut. Mais, évidemment, le principal accusateur de M. Janowski, c'est son coach, qui dit qu'il a fait tout ça sur ordre, enfin, en tout cas, parce qu'il a cédé, disons, aux demandes de son client. Et il explique une espèce de traite d'assez lente, mécanique, assez terrifiante, assez fascinante, dans laquelle il s'accable lui-même. Et la manière dont peu à peu, Monsieur Janowski a commencé à évoquer la nécessité de tuer sa belle-mère, d'abord en lui demandant de lui trouver une arme, puis petit à petit en lui disant de plus en plus précisément il faut liquider la vieille, jusqu'à lui donner, toujours selon le coach, une date qui était la date limite au-delà de laquelle le fils de Madame Pastor devait sortir de l'hôpital. Donc l'assassinat ne pourrait plus avoir lieu à Nice. La famille Pastor étant originaire de Monaco. Et Monaco est un endroit qui est tellement sécurisé qu'il n'est pas facile d'y commettre un double assassinat. Donc c'est la raison pour laquelle cet assassinat avait été prévu à Nice. Voilà. Ça, c'est ce que l'on sait. Et l'on sait aussi une autre chose, c'est que les affaires, effectivement, de M. Janowski n'étaient pas florissantes. au contraire, qu'il était même extrêmement endetté, en dépit des 500 000 euros mensuels dont il bénéficiait, parce que là, c'était l'argent de poche que versait chaque mois Hélène Pastor à ses deux enfants. Ce qui parfois peut suffire hein, comme argent de poche, Pascal Robert-Dyard. A priori, oui. À la plupart des gens, oui, mais là, manifestement, ça ne suffisait pas. Et ce qu'il y a donc de particulier dans cette affaire Pastor, ce qui la hisse à la dignité de Superfell, Pascal Robert-Dyard, c'est que, comme je le disais en introduction, on a affaire à un crime qui est exécuté par les individus apparemment les plus incompétents pour ce faire. Dès lors, ils ont été démasqués. Alors, il faut mettre tous les conditionnels nécessaires, ces gens-là ne sont pas jugés, etc. Mais enfin, bon, quand même, il y a des fortes présomptions à l'encontre de quelques-uns de ces protagonistes. Lesquels ? Oui, alors, super fail, bien sûr, parce que, enfin, disons, d'abord, il y a quand même deux morts. Donc, l'assassinat, il a été mené à son terme. Ensuite, ce qui est effectivement, enfin, ce qui crée l'intérêt, et même au-delà de ça, une espèce un peu de sidération, en quelque sorte, face à cette histoire, c'est que je pense que, sincèrement, si un réalisateur, si un scénariste l'avait conçu telle qu'elle apparaît dans la réalité, son producteur lui aurait dit non, écoute, ça, c'est pas possible, non, le bras cassé comme tireur, c'est pas possible, etc. Sauf que voilà, c'est la réalité. Ce qui est impressionnant, effectivement, c'est en fait la succession, disons, d'amateurisme. Mais qui rend cette histoire incroyablement vraie, c'est-à-dire que je pense que, sauf à être vraiment quelqu'un qui veut tuer froidement, qui va donc faire appel à des professionnels, à des tueurs à gages, au fond, dans l'histoire telle qu'elle apparaît aujourd'hui, et sous les réserves que vous avez effectivement évoquées, parce qu'elle n'est pas définitivement jugée, le gendre qui serait le commanditaire de l'assassinat aurait parlé finalement de ce projet à la seule personne à laquelle il pouvait en parler dans son entourage proche, c'est-à-dire ce coach qui le vénérait, qui avait avec lui un intérêt financier, auquel il avait pris soin de faire un certain nombre de cadeaux, qu'il le rassurait énormément, il lui disait qu'il allait l'aider, etc. Le fameux coach, qui ne connaît personne dans son environnement, qui soit capable de faire ça, en parle à la seule personne qu'il connaît, qui est son beau-frère. Ce beau-frère est un des personnages sans doute les plus tristes de cette histoire. C'est une famille. Ce garçon avait 5 ans quand il a vu son père tuer sa mère sous ses yeux. Et les enfants, c'est une fratrie de 4, et les enfants ont été placés. Dans cette famille, certains s'en sont sortis, c'est le cas de ce beau-frère, et c'est le cas de celle qui était à l'époque la compagne du coach, et d'autres ont plongé. Mais donc cet homme est au fond à cheval sur deux mondes, parce qu'il a, par sa fratrie, il sait, voilà. Et donc le gendre va parler à ce beau-frère, mais parce que c'est son seul ami. Mmh. Il va lui dire, est-ce que tu pourrais pas me trouver quelqu'un qui ? Et le beau-frère, qui veut monter sa boîte d'électricité, qui se dit, mais mon Dieu, oh là là, voilà, 40 000 euros, c'est quand même bon à prendre, va à son tour aller trouver dans les cités de Marseille un ami à lui, qui est déjà un petit voyou. Lequel petit voyou, lui, va sans aucun problème aller trouver, enfin, si avec un problème, dans les cités aussi, quelqu'un qui est capable de tirer sur une dame qu'il ne connaît pas, dont il n'a jamais entendu parler, moyennant 30 000 ou 40 000 euros. Ce qui est complètement dingue, c'est que le premier tireur présumé dans l'histoire, oui, lâche celui qu'il recrute la veille de la date prévue pour l'assassinat. Pourquoi ? Parce qu'il n'ose pas. Il a peur. Il a peur, donc il le lâche. Et donc, il y a une scène absolument inouïe qui a été racontée à la barre. C'est que le recruteur, celui qui va jouer le rôle de guetteur plus tard, le recruteur du tueur, va chercher dans la nuit qui précède la date de l'assassinat, donc va chercher dans la nuit, dans les cités de Marseille, quelqu'un qui pourrait tuer. Et il le trouve. Comment on fait ça ? Entre 2h et 3h du matin. Comment on fait ça ? De personne en personne. Tu connaîtrais pas quelqu'un qui. Enfin, on en est là. Enfin, c'est, Il y a une dimension là-dedans qui est assez spectaculaire. C'est-à-dire mais alors pourquoi ? Parce que les autres meurtres, Pascal Robert-Dière, vous qui êtes journaliste, vous suivez les affaires judiciaires, lorsqu'on cherche un tueur, généralement on s'y prend autrement, on le fait plus discrètement, puisque, encore une fois, ce qui frappe dans cette affaire, c'est l'assemblage d'amateurisme. Oui, mais c'est ce qui distingue les criminels, enfin les projets professionnels de ce qu'on appelle les criminels d'occasion. Je veux dire, on n'est pas là. On a au bout du compte des exécutants qui sont les seuls à avoir des casiers judiciaires, mais d'ailleurs des casiers judiciaires de trafic de stupes. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se font prendre. C'est-à-dire que ce ne sont pas des professionnels de l'exécution. Mmh. Ce sont des petits trafiquants de stupes. Mais simplement, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Il y a beaucoup d'argent. Et donc c'est cela effectivement qui les attire. Donc on a notre guetteur et celui qui est aujourd'hui le tueur présumé. Ouais. Ces deux individus, s'ils sont reconnus coupables ou pas, en tout cas, semble-t-il, sur les lieux du crime, ont commis toute une série d'erreurs. Ils ont commis une série incroyable d'erreurs. D'abord, ils ont oublié qu'il y avait des caméras de surveillance. Donc déjà, c'est une des grandes leçons de cette histoire, c'est qu'il y a quand même des caméras de surveillance partout. Enfin, en tout cas, il y en a beaucoup à Marseille, il y en a beaucoup à Nice. Donc, ces caméras de surveillance, vont montrer que, parce que bon, la première erreur qu'ils vont commettre, c'est que ils vont descendre du TGV Marseille-Nice. Ils vont aller dans un hôtel. Et de cet hôtel, pour se rendre sur les lieux du crime, ils avaient, dans un premier temps, prévu d'acheter un scooter. Alors, effectivement, en général, on va commettre un crime en scooter. Sauf qu'ils arrivent dans un magasin de scooters sans papier d'identité, ils veulent payer le scooter tout de suite en espèces, et ils tombent sur une vendeuse qui leur dit « Ah ben non, on peut pas acheter un scooter comme ça ». Donc, ils appellent avec leur téléphone les taxis qui vont les déposer, chacun prenant un taxi différent, qui vont les déposer devant l'hôpital. Donc, où ils vont guetter et attendre donc Hélène Pastor. Voilà. Et une fois que les images de vidéosurveillance sont captées par la police, c'est-à-dire très très vite, on voit la scène de crime sur les images de vidéosurveillance. On voit que deux hommes sont arrivés en taxi. On appelle la compagnie de taxi qui dit « Ah ben oui, effectivement, on a reçu un appel ». Donc on a déjà deux lignes. Et ensuite, il y a tout un travail de téléphonie qui est assez fantastique, qui croise l'utilisation de ces deux lignes identifiées, qui les suit, qui regarde tous les réseaux qu'elles ont déclenchés, qui s'aperçoit qu'elles ont déclenché des réseaux tout au long de la voie entre Nice et Marseille, donc qui comprennent que, a priori, ces lignes partent de Marseille, qui parviennent, travail pareil, de couplage à la fois des images de vidéosurveillance et de la téléphonie, à trouver le moment où, le matin même, sur la Canebière, ils achètent dans une boutique ces deux téléphones, sont des téléphones occultes, les activent, on voit donc les deux hommes, ensuite on les voit sur... Qu'est-ce que c'est un téléphone occulte, Pascal Robert-Dière ? Alors un téléphone occulte, c'est un téléphone pour lequel vous n'avez pas, c'est avec une carte, vous introduisez une carte SIM, mais vous n'avez pas votre identité, etc. Vous le prenez, ça, tous les délits et surtout les crimes se font aujourd'hui avec des lignes occultes. Mais c'est là encore où on est dans un amateurisme absolument hallucinant, c'est que, comme l'a raconté d'ailleurs de manière très très très drôle, parce que c'était tellement évident pour lui, un des enquêteurs, il a dit mais la règle. Il a dit comme ça, la règle, quand on a commis quelque chose avec un TOC, donc les téléphones occultes, c'est qu'une fois qu'on a utilisé, on le jette. Oui, là, ils n'ont pas voulu gâcher. Ils n'ont pas jeté. Il y en a un, le guetteur, n'a pas jeté. Il a jeté la puce dont il s'était servi pendant la journée, mais il en a remis une autre dedans. Or, on a appris ça, moi j'ignorais personnellement, c'est qu'en fait, il y a deux moyen d'identifier un téléphone. Il y a la puce et il y a le téléphone lui-même. Mmh. Et donc, les enquêteurs n'ont plus la puce, mais s'aperçoivent que ce téléphone qu'ils ont identifié continue d'être activé. Donc, système d'écoute téléphonique et de bornage, etc. Et c'est comme ça, alors qu'ils ont déjà le tireur et le guetteur, enfin, présumé, qu'en écoutant le téléphone du guetteur, ils comprennent qu'il y a beaucoup d'autres personnes, puisque le guetteur rend compte à un certain nombre de gens de ce qui vient de se passer. Et on comprend qu'il y a des remises d'argent, on comprend qu'il y a d'autres intermédiaires, et petit à petit, tout le monde tombe. Il y a une autre histoire tout aussi inouïe, c'est que celui qui est accusé d'être tireur va à l'hôtel et oublie dans cet hôtel un flacon de douche. Quand l'hôtel est identifié, parce qu'ils ont suivi, donc encore une fois, ils ont suivi à la trace avec les bornages, etc., les enquêteurs arrivent à l'hôtel, demandent à voir les chambres, évidemment, et la femme de ménage se souvient qu'il y avait un flacon de douche qu'elle avait gardé et qu'elle n'avait pas jeté à la poubelle. Ils prennent le flacon de douche, et sur le flacon de douche, bingo, l'ADN du tireur présumé. Donc, on voit quand même une suite, effectivement, d'erreurs de ces deux protagonistes, donc possiblement le tueur et le guetteur. On remonte au commanditaire, autrement dit, au gendre d'Hélène Pastor. On remonte d'abord à celui que j'appelle le beau-frère, voilà, qui a joué, qui a servi d'intermédiaire, lequel beau-frère est en contact avec le coach. Et là, les enquêteurs s'approchent donc au plus près, évidemment, de la famille. Et le coach, c'est le coach du couple. C'est la raison pour laquelle... et donc, on voit qu'ensuite, il y a des communications entre le coach et Janowski. Mais au départ de l'affaire, Janowski est placé en garde à vue, mais sa compagne, donc sa compagne, parce qu'il vit avec elle depuis 28 ans, mais ils ne sont pas mariés, la fille d'Hélène Pastor est elle aussi placée en garde à vue. Et oui, parce qu'on imagine que, évidemment... Elle peut être possiblement au courant, ou voilà. Et là, les policiers obtiennent les aveux du gendre. Et là, les policiers obtiennent les aveux du gendre, qui reconnaît avoir été le commanditaire, qui se rétractera après, mais qui explique, en fait, assez, même de manière très, très détaillée, le harcèlement. Il le raconte vraiment comme ça, il le raconte, en plus, ses aveux ont été, ces 2h20 de garde à vue pendant lesquels il passe des aveux ont été diffusés à l'audience, donc ça a été un moment de très très grand vertige à l'audience. Tout d'un Pourquoi coup, Pourquoi ce... diffuser ces aveux? Est-ce que c'est traditionnel? Est-ce que non, c'est un coup. C'est vraiment ce qu'on appelle un coup d'audience. C'est-à-dire que ces aveux obtenus en garde à vue sont contestés depuis le début par la défense de Wojciech Janowski. D'une part parce qu'il n'avait pas d'avocat, ça lui avait été proposé à 3 reprises, il l'avait décliné. Ensuite parce qu'ils ont dit qu'il ne comprenait pas bien le français. Bon, ils ont depuis corrigé cette idée parce qu'en fait, tout le monde a compris qu'il comprend très très bien le français, qu'il s'exprime parfaitement bien en français. Mais il y avait quand même l'idée d'une garde à vue sans avocat. Aujourd'hui, l'avocat est obligatoire en garde à vue. Donc, ça se conteste, voilà. Donc, et Janowski lui-même, qui depuis s'est rétracté, dit qu'il a été maltraité, dit la seule chose qu'ils n'ont pas faite, c'est de m'arracher les ongles. Et donc, d'abord, il y a eu ce qui se passe toujours dans ces cas-là, c'est-à-dire la déposition de la policière, qui est une commandante de la brigade criminelle, qui a recueilli les aveux, bon, que la défense a tenté de malmener, mais qui n'y est pas parvenue, je veux dire, elle n'est pas parvenue à l'ébranler. Et puis, sans rien dire, sans prévenir personne, le président a tout d'un coup annoncé qu'il allait diffuser cette fameuse scène d'aveu, puisqu'elle était contestée et que, d'une certaine manière, Janowski dressait de sa garde à vue un portrait incroyable il avait presque été torturé. Alors, aujourd'hui, donc, on voit une équipe de pieds nickelés, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est un super-fail parce que ce crime a été réussi, hélas, puisque deux personnes sont mortes, Hélène Pastor et son chauffeur, mais il a été raté parce qu'il a fallu très peu de temps pour recueillir, disons, les noms de ceux qui sont très fortement soupçonnés. Dans quelles conditions pourrait-on imaginer que ces personnes ne soient pas du tout impliquées dans ce meurtre? Pascal Robert Diard, je voulais quand même terminer par une colle. Eh bien, aujourd'hui, après 3 semaines et demie de procès, je ne vois pas. Que vont faire les avocats dans ce cas-là, les avocats de la défense? Les avocats de la défense, d'abord, la plupart, enfin, les avocats ont pour certains d'entre eux, défendent pour certains d'entre eux des accusés qui ont avoué. Ils sont quand même nombreux à avoir avoué. Deux nient tout. Le tireur, celui qui est présumé être le tireur, qui est un peu ennuyé quand même par son ADN, et qui n'a pas pu opposer une défense, disons, sérieuse à tous ces éléments d'image, de téléphonie, etc., qui a simplement expliqué que oui, il avait bien pris le train, que oui, il avait serré la main à ce garçon qu'il ne connaissait pas, que oui, il était allé à l'hôtel avec lui parce qu'il devait porter ses bagages, et qu'ensuite, que oui, il était allé à l'hôpital parce qu'il avait un rendez-vous, mais que finalement, ce rendez-vous n'était pas venu. Enfin bon, ça, c'était... D'accord. Ça ne tenait pas. Et évidemment, le personnage principal, Janowski. Janowski dit aujourd'hui qu'il est innocent de tout. De fait, contrairement au tireur, il n'y a pas d'ADN, il n'y a rien. Il y a la parole des autres, il y a des sorties d'argent, il y a l'examen de sa situation financière qui peut être un mobile. Il y a ce que l'on comprend d'une famille terrible, en fait. Je veux dire, je crois que vraiment c'était le portrait ce qu'il raconte de la vie de sa femme, du harcèlement qu'elle subissait de sa mère, du harcèlement quotidien. C'était difficile, quoi. Et on comprend très bien que Janowski aussi, je pense qu'il a donné l'impression, en tout cas dans cette garde à vue, d'aimer beaucoup sa femme. Et l'autre hypothèse qui a aussi été évoquée, c'est que sa femme était à ce moment-là soignée pour un cancer. Mmh. Janowski n'est pas marié, il est avec elle, ils ont un enfant en commun. Sylvia a elle-même préparé un testament dans lequel elle donne tous ses biens à ses deux enfants. Mais Janowski, en vivant avec Sylvia, évidemment, bénéficie directement des fameux 500 000 euros d'argent de poche mensuel. On peut aussi penser que l'idée que... Il a eu peur de la perdre. ...pourrait mourir avant sa belle-mère, évidemment, couperait cette source. À un moment où lui-même est terriblement endetté et doit faire face à des remboursements qui deviennent urgents. Voilà. Ça fait tout un... Mais, en fait, il y a juste quelque chose qui est dommage dans ce procès. C'est que dans ce moment de garde à vue, qui est vraiment, encore une fois, qui a été vraiment un moment très impressionnant, on voit apparaître tout un tas de choses qui pourraient expliquer comment un homme, à un moment donné, conçoit l'idée de se débarrasser de sa belle-mère. Et tout ça, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de choses, il y aurait beaucoup de choses à plaider, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à défendre même. Sauf que, à partir du moment où il plaide non coupable, tout cet aspect-là, par définition, ne peut pas être évoqué. Ou alors, ce que l'on a vu dans plusieurs procès, et ce que très grands pénalistes arrivent à faire parfois, c'est qu'en fait, au moment de la plaidoirie, ils se distinguent de leurs clients. Et ils ne plaident plus complètement l'innocence. Mmh. C'est tout un art d'éloquence et de rhétorique, et je pense que c'est vers ça que se dirige la défense de Wojciech Janowski. Merci Pascal Robert Diard de nous avoir exposé ces deux crimes, des crimes avec des accusés qui ont été soupçonnés très rapidement, le meurtre d'Hélène Pastor et de son chauffeur. Superfell a été piétiné par Daphné Abgral à la production, gâché par Stéphane Poitvin à la technique et surtout dévasté par David Jacoboviez à la réalisation. Superfell.